Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, L'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 418-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. CLML sait ce que représente la forêt. CLML possède des chargeuses sur roues en plus d'une dizaine d'employés. CLML œuvre dans les séries du secteur de Mistassini et Saint-Félicien. Les bureaux de CLML sont au 905 boulevard Amel, Saint-Félicien. 418-679-4194. I know I didn't get in trouble, but now it's his turn. Now go ahead. Tell Gary what you think. There's Gary. What I have to say to you here is, Quebec is unbelievable to me. There's never been a rivalry in hockey or any sport like Quebec and Montreal. I'd say. And I think they've been very good. They've been keeping their mouth shut. They have not been saying a word. And they say, well, I know somebody come out and said they shouldn't be in there. They had 18,000 people. They got a brand new building. They're ready to go. I think it's fantastic. They say they don't have companies. They have video. Do you want to come in? Yes, come in. Come on in. Anyhow, Don's picking up on. Come on in, Gary. Yes, ask him. We're picking up on Quebec. Don wants Quebec back in the National Hockey League, and of course, Jeremy Jacobs. What do you say? I think they deserve it. I really do. And a lot of issues, logistical, otherwise. And Mr. Jacobs expressed an opinion of some skepticism, but we're not in a process right now. And he has one vote. Good, he has one vote. Well, I have a pretty good vote anyhow. And I just came to say hello to you, not to get into the debate. Ça se passait hier à Coach Corners au réseau CBC, alors que Don Cherry a un petit peu interpellé Gary Bettman sur la candidature de Québec. Et on a vu si ça, Bettman, ça avait pas l'air à y tenter beaucoup d'en parler. Et quoi qu'il en soit, on regarde sur les médias sociaux, il y a beaucoup de thumbs up envers Gary, vers Don Cherry ce matin. On en parle avec Stéphane Debeau. Salut, Steph. Salut, Danny. Stéphane, moi là-dessus, Don Cherry, ce que je voudrais, là, ce que les gens, là, ce que je l'ai écrit ce matin, il y a beaucoup de monde qui aujourd'hui salue Don Cherry, qui a dit beaucoup ce que beaucoup de Québécois pensent. Par contre, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que les gens, si on se rappelle avant hier, là, avant que sa déclaration, t'aurais demandé à des Québécois ce qu'on pense de Don Cherry, puis beaucoup de monde l'aurait traité de fou, de sénile, de détraqué. Donc, faudrait pas que ça deviendrait l'idole des Québécois aujourd'hui, là. Oui, en une seule intervention, ouais. J'ai fait beaucoup de capital, ouais, de sympathie au Québec. Ouais. Évidemment, c'est un personnage coloré. Il a le mérite de dire ce qu'il pense. Ça fait plusieurs années là qu'il est controversé un petit peu partout au Canada, mais surtout au Québec, parce que justement, il a souvent fait preuve là un petit peu de manque de respect peut-être envers les francophones. Mais hier soir, là, de toute évidence, un peu par surprise, un peu par improviste, il a plaidé la cause pour Québec. Et ça prend pas beaucoup là pour faire en sorte qu'on change d'opinion sur une personne et que cette personne-là, qui peut-être a été critiquée sévèrement par les Québécois, ben du jour au lendemain là devient populaire parce qu'il endosse la cause nordique de Québec. Oui, effectivement. Comme cet été, si Marc Bergevin réussissait, je crois pas là, mais s'il réussissait à convaincre John Tavares de venir à Montréal, Marc Bergevin va passer du pire directeur général au meilleur directeur général, au jeu des Québécois. Tu es d'accord avec moi? Oui, mais on est dans un ère où ça change très rapidement avec les différents sociaux, l'information. Ça va de même avec les politiciens. Un jour, on est content, le lendemain, on est prêt à leur pardonner. C'est une question de résultats, c'est une question de savoir qu'est-ce qui fait notre affaire à nous. Mais en général, il faut voir ça parfois sur le long terme. Si Bergevin réussissait à mettre la main sur Tavares, évidemment, on serait très, très content cet été. Maintenant, si le succès n'arrive pas à l'automne et durant l'hiver, ben, on va redevenir très critique en l'endroit de Marc Bergevin. Effectivement. Las Vegas, comment tu trouves ça hier? C'est une excellente série, en tout cas. Hein? Ben, c'est des excellentes séries, je dois dire, Danny, depuis le début des séries du hockey. Super excitant. c'est du hockey moderne, c'est du hockey totalement différent que lorsque moi je jouais. Ah oui. Tellement rapide, l'exécution, elle est incroyable. Chaque moment, chaque présence sur la patinoire peut faire basculer le match. Je suis encore très impressionné par le style de jeu de Vegas. Je pense qu'ils vont faire réfléchir beaucoup de directeurs généraux sur la façon dont ils ont bâti leur équipe. Et aussi, je suis un peu impressionné par les Capitals de Washington, parce qu'à chaque fois qu'ils sont confrontés là à une défaite ou à tirer de l'arrière dans une série, ils trouvent une façon de s'ajuster et d'élever leur jeu d'un cran. Et hier, c'est ce qu'ils ont fait. Ça a été quand même un match, selon moi, l'avantage de Las Vegas. Mais ils ont réussi à gagner le match, surtout grâce là à un ancien du Canadien, Lars Eller, qui, honnêtement, il est méconnaissable. On voit que la confiance, être mieux entouré, peut faire une grande différence dans la carrière d'un joueur. À la bonne chaise? À la bonne chaise, oui, de toute évidence. Mais à la bonne chaise combinée avec la confiance de ton entraîneur, le fait d'être bien entouré. Le hockey, c'est un sport d'équipe, c'est pas un sport individuel, à moins d'être un joueur phénoménal qu'en a un McDavid. Par moment, on peut s'en tirer tout seul. Okay. Donc, on peut se demander maintenant combien de joueurs dans le vestiaire du Canadien, s'ils étaient mieux entourés, pourraient peut-être jouer avec plus de confiance, pourraient se relever des joueurs un petit peu plus dominants qu'ils sont actuellement. OK. Dis-moi, hier, c'est Brendan Aubé, son arrêt en fin de match, là. Incroyable. Oui, bien, on le sait, là, pour se rendre jusque-là, puis pour gagner la Coupe Stanley, ça prend un gardien qui fait des gros arrêts. Ouais. Et je pense, de part et d'autre, Fleury, il a connu des... Les deux ont connu peut-être certaines ratées dans le match numéro 1. Ouais. Mais hier, Aubé, il a réussi à faire la différence dans cette partie. Okay. Sa grosse arrêt en fin de troisième, ça a été une arrêt magique. T'as parlé des Golden Knights, t'as parlé du directeur général, vont regarder ce que les Golden Knights ont fait, là. Mais faut rester prudent avec le succès des Golden Knights. Oui, c'est extraordinaire, mais par contre, Stéphane, si Seattle arrive dans 3 ans avec les mêmes conditions, y a rien qui garantit que ça va être, y a rien qui garantit que Seattle va faire comme Vegas, là. Non, c'est sûr, la recette, elle est intéressante à étudier. Ouais. Elle est intéressante à, peut-être à copier, mais ça veut pas dire qu'on va réussir du premier coup pour Seattle, là. Mais il faut quand même donner crédit à George McPhee pour bâtir cette équipe-là. Puis faut pas oublier de le mentionner, là. Ouais. C'est lui en grande partie qui a bâti aussi.